un monde méchant. Si ou pas ma terre solide, c'est rasé pour capon. Si les côtes pas bon, je dis, l'espoir c'est pour l'année prochaine. Pas crier misère, non, si piti tout cabal en nous. Pas crier misère, non, si piti tout cabal. Pour nous périr loin, pour débrouiller pour mettre.